Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui mon frérot de Toulouse, devenu parisien maintenant, monsieur Yassir. Salut. Salut Yassir, comment tu vas? Ça va, merci, très bien. Bon, avec grand plaisir, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, on est à Lyon, on est ensemble. Yes, quelle on a kiffé scène, ce soir à Villeurbanne. Magnifique, merci et beaucoup. Et on en profite pour saluer le frérot Farid Nasri. Exactement. Qui se démène à fond de pour ouf. Faire jouer les collègues à Lyon, à Villeurbanne et tout. C'est vraiment un mec en belle or accueil, et on a vraiment kiffé. Belle accueil, rien à dire. On a vraiment kiffé. Bon, en tout cas, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, une galère d'humoriste qui me vient à l'esprit. Ouais. J'ai joué. Uh-huh. En extérieur. Déjà ça commence bien. Dans un festival, ouais. Électro. Et jouer à 14h. Jouer à 14h dans, tu sais, festival psytrance, électro, etc. Je joue à 14h. C'est même pas un truc d'humour, tu sais. Même pas, mais ils voulaient genre donner ma chance, tu vois. Donc ils m'invitent et tout, etc. Moi, ouais. Je débute mes scènes. C'est vraiment ma première année et je joue en extérieur. Et est-ce que tu étais le seul humoriste? Purement stand-up, ouais. Ouais, d'accord. Purement stand-up. D'accord. Donc déjà, genre, okay. Je leur parle directement. Uh-huh. Et il faut savoir qu'il est 16h. Ouais. Que je joue devant des gens qui n'ont pas dormi. Et qui juste reprennent des forces pour attaquer le line-up du soir à 18h. Oh donc là, ils sont en redescendant, ouais, ils transpirent. Ils sont pas en condition pour toi, quoi. Non, ils sont genre psychologiquement morts. Tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement morts. Ils sont juste là, je vois juste des corps qui agonise et qui essaye de reprendre vie. Et moi, je lance mes vannes, tant bien que mal. Et rien ne se passe. Et toi, tu sens que tu commences à mourir aussi. Mais tu sais qu'en plus, le festival a failli être annulé parce qu'il y avait du feu. En fait, c'était en plein été. Il y a eu un incendie de forêt qui a été alerté, maîtrisé aux alentours du festival. Et il y a eu un autre incendie, c'était sur scène. C'était moi qui prenais feu. Jeanne d'Arc. Est-ce qu'ils ont rappelé les pompiers ou pas? Non, ça va, ils n'ont pas rappelé les pompiers. Mais heureusement qu'il y avait un coin d'eau. Quoi, je vais te demander deux questions en une. Dis-moi. Ça a duré combien de temps en vrai et ça a duré combien de temps dans ta tête? Les deux, beaucoup trop longs. Excellent. Je sais pas, non, ça a duré 10 minutes. Et ouais. Dans ma tête, ça a duré 2 heures. Oh. Mais ça m'a forgé en plus, ça m'a forgé parce que ça m'a appris à me dire ok, tu peux pas te mettre, en fait tu peux pas te cacher derrière ton texte, ton texte ne marche pas toujours, il faut prendre en compte le contexte et l'endroit dans lequel tu joues. Ouais. Et les personnes qui sont venues juste derrière, ben, ils ont eu des rires, mais eux c'était de la chanson, c'était quelque chose de beau, un peu plus adapté au contexte, tu vois. Le pur stand-up, ouais, les gens n'étaient pas prêts et j'étais pas prêt non plus, pour dire la vérité. Bah, tu débutais, ça faisait combien de temps que tu jouais? Même pas 6 mois de scène, moins d'un an, tu vois. Mais juste pour prendre en compte le contexte dans lequel tu joues et essayer d'alpaguer 2-3 infos pour faire du lien, ouais. C'est des clés que j'avais pas encore et qu'aujourd'hui, grâce à ce genre de scène, j'ai pu avoir, tu vois. Ouais, tu peux maintenant mieux t'en sortir, ouais. tu vas parler du festival en lui-même, tu vas faire un peu de l'humour méta, quoi. Ouais, exactement. Je comprends, mais c'est une arme qu'on utilise tous maintenant. Mais au début, on s'est tous pris une tonne. Ouais, au début, t'as pas les armes. Plein air, en plus, festival de musique. Tu vois, c'est dur, quoi. Sans micro. Ah bah, sans micro, c'est la base. Le micro ne fonctionnait même pas. Eh bien, évidemment, c'est la base. Quelle horreur. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir, Sofiane. Merci, frère. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Yassir BNF sur Insta. Ouais. Facebook, la même chose. Et d'accord. Après, sur Paris et sur Toulouse. D'accord. Et à l'occasion, peut-être de chez toi à Bordeaux. Avec grand plaisir. Comme on dit, tu viens au Gavé Style quand tu veux. Merci. Et puis voilà, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas. Peace!